إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله لقد من الله على الناس أجمعين بأن بعث إليهم رسله مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل فبدأ الله تعالى بنوح عليه السلام ثم ختمهم ببعثة نبي الرحمة والمغفرة نبي هذه الأمة محمد صلى الله عليه وسلم فأكمل الله به الدين وأتم به النعمة فلم ينتقل إلى الرفيق الأعلى إلا وقد أدى الذي عليه أكمل الأداء وبلغ البلاغ المبين وأقام الحجة وأوضح المحجة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه الله اليقين وكان صلى الله عليه وسلم حريصا على هداية أمته عزيزا عليه ما عنتهم ويشق عليهم وقال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ومن حرصه على أمته أنه لم يترك بابا من أبواب الخير إلا دلهم عليه ولم يترك بابا من أبواب الشر إلا حذرهم منه وبين لهم طرق إتيان الخير وطرق اجتناب الشر ومن أعظم تلك الشرور التي انتشرت في الأمة وتفاقم أمرها والتبست على كثير من الناس البدع المضلة وهي طريقة الدين طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة ويقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالشريعة ففيها استدراك على الله وادعاء عدم كمال الدين فكان صلى الله عليه وسلم في كل خطبة يحذر منها ويقول وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Serviteur d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala a fait sa grâce sur cette umma et sur tous les hommes en ayant envoyé vers eux des messagers pour avertir et pour donner la bonne nouvelle et pour qu'il n'y ait plus d'arguments contre Allah subhanahu wa ta'ala après avoir envoyé les messagers. Allah subhanahu wa ta'ala a débuté l'envoi des messagers par Nuh alayhi salam et il a terminé l'envoi des messagers par le messager de la miséricorde et du pardon, le prophète de cette umma, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, par lequel Allah subhanahu wa ta'ala a complété cette religion et a parachevé sa grâce sur eux. Puis après cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rejoint Allah subhanahu wa ta'ala après sa mort. Et il a rempli le devoir qui lui avait été donné de la meilleure façon et de la façon la plus complète. Et il a transmis le message que Allah lui a ordonné de transmettre de la manière la plus complète. Et il a établi la preuve et clarifié la voie. Et il a lutté dans la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala d'une façon les plus véridiques, les plus sincères, jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui donne la mort. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait un grand intérêt pour la guidance de sa ummah. Et il pesait lourd sur lui de voir toute chose qui cause de la difficulté ou des problèmes sur sa umma, Et donc il voulait pour sa umma ce qu'il y a de mieux. Et c'est pour cette raison qu'il n'a rien laissé des chemins et des portes du bien, excepté qu'il leur a indiqué. Et il n'a rien laissé des portes du mal, excepté qu'il leur a mis en garde, ou qu'il les a mis en garde contre ce que cette porte-là impliquait. Et il leur a expliqué comment arriver au bien et comment s'écarter du mal. Et parmi les plus grands mots qui se sont propagés dans cette umma, eh bien, il y a le danger et le mal des bid'a, des innovations, des choses qui ont été inventées dans la religion et qui n'en font pas partie. Et ces innovations ont trompé beaucoup de gens dans la umma. Parce que c'est une voie qui imite la charia et par laquelle la personne qui le pratique essaie d'atteindre l'objectif qui a été établi par la charia, mais qui n'en fait pas partie. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est inventé dans la religion d'Allah, mais qui ne fait pas partie de la religion. Et lorsque quelqu'un fait une bid'a ou une innovation dans la religion, soit dans la croyance ou dans l'adoration, c'est comme s'il disait que Allah subhanahu wa ta'ala n'avait pas complété sa religion et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas rempli sa mission et qu'il manquait quelque chose et qu'il fallait rajouter. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans chaque discours qu'il faisait, dans chaque khutbah, en commençant, il disait, la pire des affaires, c'est la chose inventée dans la religion. Et chaque chose inventée dans la religion est une bid'a, une innovation. Et chaque bid'a est un égarement. Et tout égarement amène au feu, c'est-à-dire à l'enfer. فبين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن طريق النجاة من البدع هو الحذر والتحذير منها واجتنابها واجتناب أهلها وهجرهم فهجر أهل البدع ومنابذتهم من أعظم أصول الدين التي تحفظ على المسلم دينه وتقيه شر مهالك البدع والضلالات. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a clarifié les voies du salut et comment être épargné des innovations. Et la façon d'être épargné des innovations, c'est de se préserver et de prendre garde et d'avertir contre les innovations et de s'en écarter et de s'écarter des gens de l'innovation eux-mêmes, des gens de bid'a, et de les délaisser et de s'écarter d'eux et de les boycotter. Et le fait de s'écarter des gens de l'innovation et de s'écarter d'eux et de les repousser, ça fait partie des plus grands fondements de la religion par lesquels le musulman préserve sa religion et se préserve lui-même des innovations et des égarements qui peuvent le faire périr. قال تعالى قد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie: Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre pour vous dans le livre que lorsque vous entendez les signes d'Allah et les versets d'Allah qui sont moqués ou qui sont reniés, alors ne vous assoyez pas avec eux, c'est-à-dire avec ceux qui se moquent ou ceux qui raillent les versets d'Allah, jusqu'à ce qu'ils rentrent dans une autre discussion. Sinon, c'est-à-dire si vous restez avec eux alors qu'ils se moquent et qu'ils renient les versets d'Allah, vous serez comme eux. Et Allah subhanahu wa ta'ala va certes rassembler les hypocrites et les mécréants en enfer ensemble. قال الإمام محمد بن جرير الطبري في تفسيره وفي هذه الآية الدلالة الواضحة على النهي عن مجالسة أهل الباطل من كل نوع من المبتدعة والفسقة عند خوضهم في باطلهم. Et donc l'imam Ibn Jarir al-Tabari dit dans son tafsir, et dans ce verset il y a la preuve claire de l'interdiction de s'asseoir avec les gens de la fausseté, peu importe la différente sorte de fausseté qu'ils suivent, parmi les gens de la bid'a ou les gens de la perversité, lorsqu'ils discutent ou qu'ils disputent à propos de leur fausseté. ولهذا اهتم السلف بهذا الأصل العظيم وهو هجر أهل البدع أعظم اهتمام وأولوه بالغ العناية فسيرتهم مليئة بهجر أهل البدع وإخزائهم وإذلالهم ولو أردت أن أنقل ما جاء عنهم في ذلك لبلغ مجلدا بل مجلدات وإن الناظر إلى الناس طيلة حياة النبي صلى الله عليه وسلم وطيلة خلافة الشيخين أبي بكر وعمر فسيجد أنهم متبعون لكتاب الله ومقتفون لسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم لا تعرف البدع إليهم طريقة. ثم بدأت تظهر بوادر الفتن في آخر عهد عثمان رضي الله عنه، ثم ظهرت في خلافة علي رضي الله عنه أول فرقتين مبتدعتين وهما الخوارج والشيعة، ثم تلا ذلك ظهور القدرية وغيرهم. فواجه الصحابة والتابعون هذه الفرق المبتدعة مواجهة حاسمة بالسيف واللسان، فحذروا الناس منهم وتبرؤوا من البدع وأهلها وحجروهم ونهروهم ونابذوهم، وما ذلك إلا اتباعا للطريقة الشرعية التي وضحها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كما سبق بيانه. فهم متمسكون بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. فهذا ابن عمر رضي الله عنه حين سئل عن القدرية قال: فإذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تجالس أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. Serviteur d'Allah, sachez que les salafs, c'est-à-dire les pieux prédécesseurs de cette umma, ont donné à ce fondement une grande importance, c'est-à-dire de s'écarter des gens de l'innovation et de mettre en garde contre l'innovation. Et le fait de s'écarter des gens de bid'a avait une grande importance pour eux. Et ils ont donné à ce principe une importance particulière en s'écartant eux-mêmes des innovateurs et en les humiliant et en les rabaissant. Et si on devait rapporter tout ce qui a été dit à leur sujet, on aurait rempli des volumes. Et celui qui regarde à la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant toute sa vie, et de même que pendant le khilafa de Abu Bakr et de Omar, il trouvera qu'ils suivaient le livre de leur Seigneur, le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ils suivaient la sunna de leur prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et aucune bid'a ne pouvait pénétrer chez eux ou rentrer sur eux. Et par la suite, on a vu apparaître les débuts de la fitna à la fin de l'époque de Uthman ibn Affan radiallahu anhu. Et puis lors du khilafa de Ali radiallahu anhu, on a vu apparaître les deux premières firqas, les deux premières sectes d'égarement, qui sont les Khawarij et les Shia. Et puis après, on a vu apparaître une autre secte qu'on appelle les Qadariyah, ceux qui nient la prédestination. Et d'autres sont apparus par la suite. Et à chaque fois qu'une de ces sectes apparaissait, eh bien les Sahaba et les Tabi'oun ont fait face à ces différentes sectes et les ont opposées par l'épée et par la langue. Et ils ont mis en garde les musulmans et se sont désavoués de ces innovations et des gens de l'innovation. Et ils se sont écartés d'eux et les ont repoussés et écartés. Et ils ont fait cela en suivant l'exemple de ce qui est rapporté et clarifié dans la charia d'Allah et dans la voie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'ils se tiennent et ils s'accrochent au livre d'Allah et à la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour ça que Abdullah ibn Omar, lorsque des tabi'ins sont venus lui poser la question à propos de la secte des Qadariyah, il leur a dit: si vous les rencontrez, informez-les que je suis innocent d'eux et que eux sont innocents de moi, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien à voir avec moi et je n'ai rien à voir avec eux. Alors tu ne dois pas t'asseoir avec les gens de bid'a et tu ne dois pas t'asseoir avec eux. Comme l'a dit Abdullah ibn Abbas, ne t'assois pas avec les gens de la passion, parce que le fait de s'asseoir avec eux rend les cœurs malades. والسلف الصالح كانوا يعرفون المبتدعة بعدة علامات، من أهمها التآلف والصحبة والمخرج والمدخل والإيواء والنزول عند أهل البدع. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: من فقه الرجل ممشاه ومدخله ومخرجه. قاتل الله الشاعر حين يقول: على المرء لا تسأل وأبصر قرينه فإن القرين بالمقارن يقتدي. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إنما يمشي الرجل ويصاحب من يحبه ومن هو مثله. وقال: اعتبروا الناس بأخدانهم، فإن الرجل لا يخادن إلا من يعجبه نحوه. وقال: اعتبروا الأرض بأسمائها، واعتبروا الصاحب بالصاحب. وقال سفيان الثوري رحمه الله: ليس شيء أبلغ في فساد رجل وصلاحه من صاحب. وقال الأوزاعي: من ستر علينا بدعته لم تخفى علينا ألفته. وقال: يعرف الرجل أو يعرف الرجل في ثلاثة مواطن: بألفته، ويعرف في مجلسه، ويعرف في منطقه. وقال الأعمش رحمه الله: كانوا لا يسألون عن الرجل بعد ثلاث: ممشاه ومدخله وألفته من الناس. وقال معاذ بن معاذ رحمه الله: قلت ليحيى ابن سعيد: يا أبا سعيد، الرجل إن كتم رأيه لم يخف ذلك في ابنه، لم يخف ذلك في ابنه ولا صديقه ولا جليسه. Serviteurs d'Allah, sachez que nos salaf, nos pieux prédécesseurs, ont mentionné qu'on peut reconnaître les mubtadi'a, c'est-à-dire les gens de l'innovation, par plusieurs signes. Et parmi les signes les plus importants par lesquels on reconnaît les innovateurs, c'est par leur fréquentation et par les gens qu'ils aiment et par leurs compagnons et avec qui ils rentrent et avec qui ils sortent et ceux qu'ils fréquentent et ceux qu'ils visitent lorsqu'ils voyagent. Et donc s'ils descendent chez les gens de Bid'a, eh bien c'est un signe qu'ils sont avec eux. C'est rapporté selon Abu Darda radiallahu anhu qu'il a dit: parmi la compréhension de l'homme, c'est avec qui il marche, avec qui il entre, avec qui il sort. Et que Allah maudisse le poète qui a dit: la personne ne demande pas à son sujet, mais regarde avec qui il est. Car la personne se reconnaît et suit celui qui se tient avec lui, avec qui il se tient. Comme on dit souvent dans le dicton, même en français on dit, qui se ressemble, s'assemble. Hein, qui se ressemble, s'assemble. Et c'est rapporté selon Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu. Il a dit: l'homme, il marche seulement, et il prend seulement comme compagnon celui qu'il aime. Alors il est comme lui. L'homme prend uniquement comme compagnon celui qu'il aime, et c'est pour ça qu'il devient comme lui. Et il a dit également: observez les gens et prenez des leçons, parce que les gens restent avec leurs proches amis. Et donc, la personne ne prend comme ami proche excepté celui qu'il aime, celui qu'il aime. Et il a dit: prenez des leçons et regardez la personne par rapport à qui elle a pris comme compagnon. Et Soufiane Thawri a dit: il n'y a pas plus grave et plus pire pour le fait qu'une personne soit corrompue ou qu'elle soit bien ou qu'elle soit bonne que la personne qui est son compagnon. C'est-à-dire que si elle va avoir un bon compagnon, elle sera bonne. Mais si elle prend des mauvais compagnons, elle deviendra mauvaise. Et donc si elle prend comme compagnon des innovateurs, elle deviendra comme eux. Oui. Et il a dit également, l'imam al-Awza'i, il a dit: celui qui nous cache son innovation, c'est-à-dire qui essaie de camoufler sa vraie position et sa vraie situation par rapport à l'innovation et aux gens de Bid'a, il essaie de cacher qu'il est sur l'innovation, eh bien, il ne pourra pas nous cacher ses amis et ses fréquentations. Et comme ça, on pourra savoir réellement avec qui il est. Il a dit également: on peut reconnaître un homme par trois points: avec qui il se tient, avec qui il s'assoit, et comment il parle, sa façon de parler. Et l'imam Al-A'mash, il a dit: les gens, après trois choses, ils ne posaient plus de questions à propos d'une personne: avec qui il marche, avec qui il entre, et les gens avec qui il se tient et qu'il aime. Et Mu'ad ibn Mu'ad a dit à Yahya ibn Sa'id: ô Abba Sa'id, si l'homme nous cache son opinion, eh bien il ne peut pas nous cacher. Il ne peut pas le cacher, car tôt ou tard ça va ressortir dans son fils, dans son compagnon et dans la personne avec qui il s'assoit. C'est-à-dire que des fois, quelqu'un essaie de cacher sa réalité et sa position. Et puis finalement, il est démasqué par son fils ou par son ami ou par les gens qui sont proches de lui. وقال محمد بن عبد ابن عبيد الله الغلابي رحمه الله كان يقال تكاتم أهل الأهواء تكاتم أهل الأهواء كل شيء إلا التآلف والصحبة وقال مالك بن دينار الناس أجناس كأجناس الطير والحمام مع الحمام والغراب مع الغراب والبط مع البط والسعو مع السعو وكل إنسان مع شكله وقال أبو حاتم الرازي قدم موسى ابن عقبة السوري لبغداد فذكر لأحمد بن حنبل فقال انظروا على من نزل وإلى من يأوي وقال يحيى ابن سعيد القطان رحمه الله لما قدم سفيان الثوري البصرة جعل ينظر إلى أمر الربيع يعني ربيع بن صبيح وقدره عند الناس سأل أي شيء مذهبه قالوا ما مذهبه إلا السنة قال من بطانته قالوا أهل القدر قال فهو قدري serviteur d'Allah, regardez les paroles de nos salaf parmi les imams d'Ahl al-Sunnah lorsqu'ils ont expliqué et clarifié ces questions. Certains d'entre eux ont dit: les gens de la passion cachent toutes choses, excepté leur fréquentation et leurs compagnons. Malik ibn Dinar a dit, les gens sont avec les gens comme les oiseaux. Les perdrix avec les perdrix, et les corbeaux avec les corbeaux, les canards avec les canards, et les roitelets avec les roitelets. Et chaque homme reste avec celui qui lui ressemble. Et l'imam Abu Hatim al-Razi, il a dit que Moussa ibn Uqba al-Souri est venu à Bagdad et on l'a mentionné à l'imam Ahmad ibn Hanbal. Alors l'imam Ahmad a dit, regardez chez qui il descend et vers qui il se refuge. Et l'imam Yahya ibn Sa'id ibn al-Qattan a dit, lorsque Sufyan al-Thawri est venu à Basra, il a regardé le cas de Rabi' ibn Sabih et comment il avait une place chez les gens. Alors il a posé la question: quelle est sa voix? Quelle est sa position? Ils ont dit, sa position n'est d'autre que la sunna. Il a dit, regardez, qui sont ses fréquentations? Avec qui il se tient? Il a dit, les gens du qadar. Alors, l'imam a répondu et il a dit, Sufyan al-Thawri, il a dit, alors c'est un qadari. Même s'il prétend être sur la sunna. Wa hadhihi al-athar kulluha manqula min kitab al-ibana al-kubra لابن بطة بسنده وقد نقل رحمه الله أيضا بسنده عن الفضيل بن عياض رحمه الله أنه قال الأرواح جنود مجندة فما تعرف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف ولا يمكن أن يكون صاحب سنة يمالي صاحب بدعة إلا من النفاق وقال ابن بطة معقبا صدق الفضيل رحمه الله فإنا نرى ذلك عيانا ثم ذكر بعده أنه قيل للأوزاعي إن رجلا يقول أن أناسا يقولون إنا نجالس أهل السنة ونجالس أهل البدع فقال الأوزاعي هذا رجل يريد أن يساوي بين الحق والباطل وعقب ابن بطة فقال صدق الأوزاعي أقول إن هذا رجل لا يعرف الحق من الباطل ولا الكفر من الإيمان. Et également, parmi les exemples des paroles des salafs qui ont été rapportées à ce sujet, toutes ces paroles sont rapportées dans le livre de l'imam Ibn Battah, dans son livre Al-Ibanatul Kubra. Et il rapporte cela avec les chaînes de transmission. Et l'exemple de la parole de Al-Fudayl Ibn Iyad, qui a dit que les âmes sont comme des régiments. En régimenté. Celles qui se reconnaissent entre elles se rassemblent et celles qui ne se reconnaissent pas divergent. Et il n'est pas possible à la personne qui est sur la sunna de pencher et d'aimer les gens de la bid'a, excepté si c'est de l'hypocrisie. Et l'imam Ibn Battah a commenté sur cela et a dit, Certes, Al-Fudayl ibn Iyad a dit la vérité, car nous voyons cela avec nos yeux. Et puis il a mentionné la parole de l'imam Al-Awza'i. Il a dit qu'un homme lui a dit, certaines personnes, il s'assoit avec les gens de la sunna et il fréquente et il s'assoit aussi en même temps avec les gens de la bid'a. Alors l'imam Al-Awza'i a dit, c'est un homme qui veut mettre à égalité la vérité et le faux. Et l'imam Ibn Battah a commenté sur cela et il a dit, certes l'imam Al-Awza'i a dit la vérité. C'est un homme qui ne connaît pas la vérité du faux et qui ne connaît pas la différence entre la mécréance et la foi. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Serviteur d'Allah. La raison de ce sujet qu'on a choisi aujourd'hui, et faites un peu de place, approchez-vous un peu pour ne pas gêner les frères qui veulent rentrer. La raison du choix de ce sujet aujourd'hui, c'est parce qu'on a constaté de la part de plusieurs d'entre les musulmans que premièrement, ils ne savent pas distinguer entre les voix des gens de la sunna et les voix des gens de la bid'a. Et ils considèrent ou ils s'imaginent que tous les différents groupes et les différentes sectes sont pareils, du moment qu'elles se disent musulmanes, qu'elles sont sur la bonne voie. Mais c'est une grave erreur. Et donc ça c'est le premier égarement, la première erreur que font certains musulmans, de considérer que toutes les innovations et tous les gens de bid'a sont sur la même voie. La deuxième erreur que beaucoup d'entre les musulmans font, c'est de choisir leurs compagnons et leurs amis sur des bases non islamiques. C'est-à-dire qu'ils se mettent à fréquenter des musulmans uniquement sur le plan qu'ils viennent du même pays, ou qu'ils viennent de la même ville, ou qu'ils sont de la même origine, ou qu'ils parlent la même langue. Et ils ne prennent pas en considération le fait que ce soit des musulmans qui s'accrochent à la sunna, ou que ce soit des musulmans qui ne s'accrochent pas justement à la sunna et qui suivent certaines innovations et certaines bid'a, comme la bid'a des khawarij, ou la bid'a des soufiyas, ou la bid'a des différentes sectes qui existent à notre époque. Et donc ça c'est une grave erreur et un grand problème. Le problème que beaucoup de musulmans justement ont ignoré ou ignorent ou ne comprennent pas la question qu'on appelle al-wala ou al-bara, c'est-à-dire d'aimer pour Allah et se détester pour Allah, de s'allier pour Allah et de se désavouer pour Allah. Et ce principe et ce fondement qui fait partie des fondements de l'islam ne doit pas uniquement s'appliquer entre les musulmans et les koufars, mais doit également s'appliquer entre les musulmans eux-mêmes, c'est-à-dire entre les gens qui s'accrochent à la sunna et les gens qui suivent les innovations et la passion et les différentes voies d'égarement. Et donc il faut faire attention à ces questions-là. Et les ulama ont clarifié, ont expliqué, et ils ont dit, par exemple, qu'il est une obligation pour nous d'appeler les gens à l'islam et d'appeler les gens à la sunna. Et ils ont divisé les gens de la bid'a en deux catégories. فَأَهْلُ الْبِدْعَةِ نَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ وَنُبَيِّنُ لَهُمْ ثُمَّ هُمْ أَهْلُ الْبِدْعَةِ هُمْ قِسْمَانِ قِسْمٌ دُعَاتٌ إِلَى الشَّرِّ فَهَؤُلَاءِ لَا يُؤْخَذْ مِنْهُمْ لَا يُؤْخَذْ مِنْهُمْ حَدِيثٌ وَلَا يُؤْخَذْ مِنْهُمْ عِلْمٌ وَيَجِبُ التَّحْذِيرُ مِنْهُمْ لوقاية الأمة من شرهم فإنهم دعاة على أبواب جهنم ومن أجابهم إليها قذفوه فيها والعياذ بالله. وأما القسم الثاني من أهل البدع فهم عوامهم، فهؤلاء لا يهجرون وإنما يدعون إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، لأن فسادهم في أنفسهم، فإذا كان في الاختلاط بهم ما يضرك فابتعدوا عنهم. Donc les gens de l'innovation sont divisés en deux catégories. Et la première catégorie, c'est ceux d'entre eux qui sont des du'ats, c'est-à-dire ceux d'entre eux qui invitent et qui appellent les autres à les suivre dans leurs innovations et dans leurs égarements, qui appellent les gens à devenir des chi'as, ou qui appellent les musulmans d'Ahlus Sunnah à devenir des Khawarij, à faire takfir et à sortir contre les dirigeants, ou bien qui appellent les gens à rentrer avec eux dans la bid'a du tasawwuf et des égarements des bid'a. Donc ça, ceux qui appellent à ça, ce sont les catégories de ceux qu'on appelle les du'at, c'est-à-dire ceux qui prêchent à leurs innovations et à leurs égarements. Ceux qui appellent à la bid'a des ikhwan al-muslimin, ou à la bid'a de jama'at al-tablir, ou à d'autres bid'a parmi les différentes bid'a qui existent, qui opposent la salafia et qui opposent la voie des salaf al-salih. Donc toute personne qui appelle à une voie qui contredit et qui oppose la salafia et les voies de, la voie des salaf al-salih, alors il a contredit la voie des salaf al-salih, la voie de nos sahaba et la voie des ulama de la umma qui suivent la sunna. Donc ceux qui appellent à ces innovations-là, il ne faut pas prendre d'eux aucune science et aucun hadith. Et il faut mettre en garde contre eux et s'écarter d'eux dans le but de préserver sa religion et de préserver son cœur et sa croyance de l'égarement. Et parce que ce sont des gens qui appellent aux portes de l'enfer, même s'ils prétendent appeler à l'islam, mais ils déforment la réalité de ce que le Coran a dit et ils déforment la réalité de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans les hadiths. En ce qui concerne la deuxième catégorie des innovateurs, ce sont le commun des musulmans qui suivent une innovation sans parfois savoir réellement que c'est une innovation et qui n'appellent pas aux autres musulmans, qui n'appellent pas les autres musulmans à suivre cette innovation-là, mais ils ne font que la suivre eux-mêmes par ignorance souvent. Et ceux-là, eh bien, il faut ne pas les s'écarter d'eux, il faut au contraire les appeler à la sunna et les appeler à Allah avec la sagesse, avec la bonne exhortation. Parce que le mal qui existe en eux-mêmes se limite à eux, et ils n'essayent pas de le propager aux autres. Et donc, dans le fait de rester avec eux, il n'y aura pas le même mal que de fréquenter celui qui appelle à son innovation. Toutefois, si tu constates que dans ce musulman qui a cette innovation, il y a quelque chose qui te cause du tort dans ta religion, eh bien, à partir de ce moment-là, tu dois t'écarter de lui et ne plus le fréquenter parce qu'il commence à avoir un effet négatif sur toi. Donc ça, c'est quelque chose de très important et c'est un rappel pour nous. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين واجعلنا من أهل السنة الذين يتمسكون بالكتاب والسنة ويحذرون ويبتعدون من أهل البدع والضلال وقوموا إلى صلاتكم. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. قد قامت الصلاة. قد قامت الصلاة. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. استووا اعتدلوا صووا صفوفكم سدوا الفرج لا تختلفوا فتختلف قلوبكم إن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وانت على جميع. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى